ces emplacements sont matérialisés. Cela signifie que les places sont réservées au stationnement et qu'elles sont hors voie de circulation. Dans ces conditions, même si la route n'est plus éclairée à partir d'une certaine heure, il est inutile de laisser les feux allumés. Donc, pas de feux de position, et surtout pas les feux de croisement, qui consomment trop d'électricité et qui déchargeraient probablement la batterie s'ils restaient allumés toute la nuit. Réponse B et D.